Entre les factures, les rappels, j'ai besoin d'évacuer ma semaine. Couche, creux, clavier à pleine dent, autant de décapsuler ma pierre. Entouré de mes crapules et de ma taille, boum. J'additionne les faux pas, fais le calcul, c'est la merde. Mais je m'en fous, je veux être libre, ne serait-ce qu'une seule fois. Dans ma vie, je serais blindé si je possédais les thunes que je dois. Ah, ah. Je veux être libre, ne serait-ce qu'une seule fois. Dans ma vie, je serais blindé si je possédais les thunes que je dois. Et ça fait frère. Je fais les choix qui me semblent le bon faire. Si loin de la gloire, si proche de gens de l'ombre, je rêve de vivre en oublier l'essence de son terme. Je veux pas être à terre le jour où les anges s'en veulent. Si loin de la gloire, si proche de gens de l'ombre. Si loin de la gloire, si proche de gens de l'ombre. Si loin de la gloire, si proche de gens de l'ombre. Frère, je veux pas être à terre. J'aperçois moins de blanches que l'ombre de corbeau noir. Une pensée pour ceux qui ont tous leurs regrets, ou le bruit des verrous comme seul cauchemar. Si proche des champs de l'ombre, faut faire les choses bien. Pas qu'à l'entrée du paradis, on nous rétorque, pour vous c'est mort trop tard. Faut qu'on se pose autre part, ou bien qu'on change ce monde, on manque de rond. Ici c'est soit t'es riche, soit t'es un pauvre connard. Si proche des champs de l'ombre. Si seulement les clés de la réussite pouvaient ouvrir la cellule de nos potes aux stars. La solitude comme binôme, je reste petit compte merde. Le cœur serré, j'ai pris le chrome. Je rêve de vivre mon rêve, mais elle est loin ma vie de môme. Ça va trop vite, tu passes du diplôme à la peine de prison ferme. Et j'ai pas envie de faire la fête dans le beat que des galettes. J'lève la dernière qui reste à mes galères. Sans qui je serais pas, même que ça soit dans nos choix ou nos embrouilles. On se plante, we rough, c'est la merde. Comprends que je parle pas de ton groupe de copines quand je dis que je veux me faire la belle. Ah. Si loin de la gloire, si proche de champs de l'ombre. Si loin de la gloire, si proche de champs de l'ombre. Si loin de la gloire, si proche de champs de l'ombre. Frère, je veux pas être à terre. La réalité m'a dit, prends ta gifle, je te l'offre. Y'a qu'en trafic de drogue qu'on fait la part des choses. Moi, je pense que la vie me donne. J'ai trop de choses à évacuer, donc c'était soit l'album, soit la tentative de meurtre. Tu vois, le bail c'est hoche, c'est trop chaud les études. Tu vois, dope, oh oh oh. Poteau, c'est mort, faut faire des thunes. Pareil que vrai reconnaissent vrai. Ok, tous les grands te respectent, cognon. Mais tes propres parents te reconnaissent même plus, putain. Alléluia, le passé nous noie. Sur le chemin de la liberté, difficile d'aller tout droit. J'm'en bats les couilles, moi. J'suis un artiste, pas un gangster. La tôle, j'suis pas fait pour ça. Allez, alléluia, barrez vous de ma route, ouais, cassez-vous de là. Quand d'autres prennent le virage de l'illicite, j'préfère aller tout droit. Alléluia, allez, alléluia. De l'autre côté du mur, mais j'oublie pas mes rouillas. Entre les factures, les rappels, j'ai besoin d'évacuer ma semaine. Couche, creux, clavier à pleine dent, autant de décapsuler ma pierre. Entouré de mes crapules et de ma taille, j'additionne les faux pas, fais le calcul, c'est la merde. Mais je m'en fous, je veux être libre, ne serait-ce qu'une seule fois. Dans ma vie, je serais blindé si je possédais les thunes que je dois. Ah, ah. Je veux être libre, ne serait-ce qu'une seule fois. Dans ma vie, je serais blindé si je possédais les thunes que je dois. Et ça fait frère. Je fais les choix qui me semblent le bon faire. Si loin de la gloire, si proche de champs de l'ombre, je rêve de vivre en oublier l'essence de son terme. Je veux pas être à terre le jour où les anges s'en veulent. Si loin de la gloire, si proche de champs de l'ombre. Si loin de la gloire, si proche de champs de l'ombre. Si loin de la gloire, si proche de champs de l'ombre. Frère, je veux pas être à terre le jour où les anges s'en veulent.